Ami humain, bonjour. Emmanuel Carrère, le journalisme et l'opacité du réel. Hélène et moi habitons un appartement que nous aimons beaucoup. Il est grand, lumineux, surnaturellement calme, confiait Emmanuel Carrère, en janvier 2012, à l'écrivain et idéologue Renaud Camus par une lettre dans laquelle il parvenait à dire tout à la fois son amitié intacte bien que distante pour l'homme et une profonde aversion pour ses idées le « grand remplacement » et autres délires paranoïaques. C'est vrai, l'appartement parisien de l'auteur de Limonov, prix Renaudot 2011, est exactement ainsi. C'est là qu'il m'a reçu, mardi 16 février, 2 heures durant. À l'occasion de la parution d'Il est avantageux d'avoir où aller, POL, un recueil de reportages, en Roumanie, à Davos, en Russie, de critiques, littéraires et de chroniques, judiciaires ou sexuelles, rédigées par Emmanuel Carrère pour divers titres de presse entre 1990 et 2015, Mediapart a souhaité s'entretenir avec l'écrivain qui a fait du réel, soit l'objet même du journalisme, la matière première de son œuvre littéraire. Le titre de votre dernier ouvrage est emprunté au Yi Qing, le livre de sagesse chinoise, Il est avantageux d'avoir où aller. Ce n'est pas savoir où aller, mais avoir l'envie et, éventuellement, les moyens. Cela signifie-t-il que dans votre travail de journaliste, vous ne savez pas ce que vous cherchez? Oui. C'est exactement cela. Mais cela ne vaut pas que pour le journalisme. C'est valable, selon moi, pour toute espèce de travail d'écriture. À mesure que le temps passe, c'est même devenu le plus important, partir dans une direction sans trop savoir où elle vous mène. J'avais lu une fois les propos d'un cinéaste affirmant que, pour lui, l'enjeu créatif principal était qu'il y ait le moins de déperdition possible entre l'idée initiale, telle qu'elle peut prendre forme dans un scénario, et le résultat. C'est une famille d'artistes, un esprit, qui ne sont pas du tout les miens. Au contraire, ce qui me plaît le plus, c'est le monde qui peut séparer l'envie de départ et l'endroit où je suis finalement arrivé. Dans mon travail de journaliste tel que je le pratique, souvent, mais pas tout le temps, on trouve ce que l'on cherche. Il y a un vieil adage policier qui dit qu'en matière de lutte contre la corruption, contrairement à la matière criminelle, on connaît les auteurs mais on cherche le cadavre. Ainsi, quand on voit juste, on a une intuition, mais quand on a faux, c'est un a priori. Vous ne semblez jamais procéder de la sorte. C'est vrai. Disons que quand j'ai une intuition, au-delà de l'intérêt qui me porte sur tel ou tel sujet, j'espère que celle-ci pourra changer. J'ai toujours le sentiment d'avoir gagné quelque chose quand mon reportage me permet de corriger ce que je pensais avant d'être allé voir. Par la même occasion, cela peut faire gagner quelque chose au lecteur. Dans le deuxième chapitre du livre, qui regroupe vos reportages du printemps 1990 pour la règle du jeu sur la Roumanie post-Ceaușescu, vous écriviez à la toute fin du texte, l'article qu'on vient de lire n'était pas mensonger, en ce sens que j'ai entendu les propos, vu les choses, éprouvé les impressions que je rapporte. En revanche, il est probablement erroné. J'ai pu me tromper sur tout, sur les personnes, leur passé, leurs convictions actuelles, leurs responsabilités dans ce qui arrive. Et ce, à dire que la sincérité du journaliste prime, selon vous, sur ce que Hannah Arendt appelle les « vérités de fait ». Je ne suis pas relativiste au point d'ignorer qu'il existe des vérités de fait et il faut, bien entendu, en tenir compte si l'on peut en trouver. Je crois même que la vérité, cela existe, mais qu'il est infiniment difficile de l'atteindre. Je souscris 20 ans après ces reportages en Roumanie entièrement à ce que j'avais écrit à l'époque. Il me paraît important d'être conscient non seulement, oui, de la sincérité d'un journaliste mais de sa subjectivité. J'ai mes conditionnements, mon environnement, mes propres outils de compréhension. Et j'ai également des limites dont je suis très conscient. Il y avait aussi un effet rhétorique dans cet article pour dire que je me trouvais face à une réalité que je ressentais comme insaisissable et chaotique, où tout pouvait arriver. Cela étant, j'éprouve le besoin de rappeler à tout bout de champ et de me le rappeler à moi-même que ça n'est que ce que je perçois, moi. Votre œuvre de roman documentaire débute en 2000 avec L'Adversaire sur l'affaire Roman, à laquelle vous aviez préalablement consacré des articles pour Le Nouvel Observateur et qui sont reproduits dans votre recueil. Vous écriviez ceci à la veille de l'ouverture du procès de Jean-Claude Roman, en 1996, « Reste 8 jours de débat pour essayer non d'excuser, mais de comprendre ». Ainsi, vous ne pensez pas comme notre Premier ministre qui, au lendemain de la tragédie du 13 novembre, a dit et répété que « expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser ». Je ne suis pas du tout d'accord avec cela, absolument pas. Je peux peut-être l'entendre dans la bouche d'un homme politique qui voudrait montrer qu'il ne transige pas mais, non, je ne pense pas du tout ainsi. Le devoir que nous avons, c'est d'essayer de comprendre, y compris ce qui est le plus monstrueux. Dans le cas du procès de Roman, le seul enjeu judiciaire, précisément, était de comprendre puisqu'il n'y avait pas le moindre doute sur les faits malgré leur extrême étrangeté et leur caractère invraisemblable. Il ne restait plus qu'à comprendre ce qui n'a, d'ailleurs, cessé de continuer à se dérober. Dans L'Adversaire, je ne prétends pas du tout avoir compris. Les experts psychiatres étaient eux-mêmes totalement perdus face à cette histoire. Ils ne savaient plus quoi dire. Je me souviens que pendant le procès, il y en avait un qui avait fait un grand exposé hyper taxinomique pour dire que Roman ne rentrait dans aucune case. La présidente de la cour d'assises, craignant que tout cela ne passe au-dessus de la tête des jurés, a fini par dire « Bon, c'est bien docteur, mais pour conclure, il est fou ». Le psychiatre bafouille et répond « J'ai l'impression qu'il est ce qu'on appellerait dans le langage courant un demi-fou ». Voilà où nous en étions. Votre inclination pour la littérature sans fiction a été hantée par Truman Capote et son chef d'œuvre de sang-froid. Dans un texte consacré à votre rapport à Capote, pris au prisme de l'affaire Roman, vous prenez toutefois vos distances avec l'écrivain américain pour qui le jeu était haïssable. Pour quelles raisons ne laisse-t-il pas pour vous ? Je pense qu'on peut tout à fait y voir et sans doute est-ce vrai de l'exhibitionnisme et de l'égocentrisme. Mais il y a paradoxalement une forme d'humilité là-dedans. Celle-ci consiste à dire que je ne suis pas du tout sûr de ce que j'avance. Ce n'est que moi qui parle. En travaillant sur l'affaire Roman, je l'ai ressenti de manière très aiguë. Quand vous écrivez un roman, vous êtes autorisé à dire ce que Julien Sorel et Madame Bovary pensent. Si vous écrivez, Jean-Claude Roman pense que, vous êtes déjà sur un terrain glissant, on n'en sait rien. Lui non plus, d'une certaine manière. Ce qui se passe dans son cerveau nous est entièrement fermé, comme dans n'importe quel cerveau. Esthétiquement et moralement, je ne pouvais pas imaginer ce qu'il se passait dans sa tête. Il a donc fallu que je m'interpose, en quelque sorte. Le 22 décembre 1969, interrogé par Jacques Chancel, la vidéo n'a fait que 241 vues sur le site de l'INA, le fondateur du Monde, Hubert Boeuf-Méry, livre sa vision de l'objectivité, dans la mesure où l'on pense que c'est une espèce de perfection, de correspondance parfaite entre ce qui est dit et ce dont on parle, je crois que c'est un peu chimérique et qu'il vaut mieux tenir compte de ce que l'on pourrait appeler une relativité de l'objectivité. On n'arrive jamais à appréhender tout le réel. Il passe à travers un prisme et une certaine déformation. Je n'ai pas la moindre contradiction à apporter. On ne peut donc jamais vraiment appréhender le réel tel qu'il est. Prenons les choses autrement. Imaginons une affaire criminelle non résolue avec un accusé qui clame son innocence, mais sur lequel pèsent des présomptions sans que l'on soit totalement sûr de sa culpabilité. Un peu comme dans Stercase, le documentaire de Jean-Xavier de Lettrade, par exemple, personne ne peut savoir. Or, il existe bien une vérité, il a tué, oui ou non. Simplement, elle est hors de notre portée. On ne peut par conséquent qu'être dans le registre de la conviction. Là, cela vaut le coup de s'interroger sur les raisons qui nous poussent à prendre parti pour une thèse plutôt qu'une autre, à partir des mêmes éléments. Prenons un autre exemple, la série The Wire. Elle est écrite par un journaliste, David Simon. Elle est en partie née de reportages qu'il avait rédigés sur le trafic de drogue et la police de Baltimore. mais la série est une fiction où les personnages, tout en étant faux, nous décrivent une réalité incroyablement vraie. Je suis passé à côté de The Wire. J'ai commencé à regarder et ça m'a cassé les pieds. C'est triste, je sais sourire. Sur le fond de ce que vous dites, je suis entièrement d'accord. Je n'ai aucune position de critique idéologique de la fiction pour dire qu'elle serait malhonnête. Simplement, cette forme documentaire me convient davantage. Le vertige que l'on éprouve en regardant un documentaire comme Staircase, aucune fiction ne pourra jamais vous en donner l'équivalent. Regardez le film très bon au demeurant de Barbet Schroeder sur le mystère von Bülow, qui est emprunté à une histoire vraie. Pour moi, ce n'est pas le même vertige que devant Staircase. Il y a un mystère que la fiction ne pourra jamais livrer là où, dans ce qui est documentaire, persiste une forme d'opacité du réel. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.